Ulysse arrive alors chez Éole, le roi des vents. Il reçoit de son hôte une outre renfermant tous les vents défavorables. Mais ses compagnons, croyant y trouver un trésor, ouvrent l'outre pendant qu'Ulysse dort et déclenchent une tempête. Ils se retrouvent à leur point de départ. On arrive, on débarque, on va puiser de l'eau, et sans tarder mes gens se mettent au repas sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, je pars, accompagné d'un héros et d'un homme, pour monter chez Éole. En son manoir fameux, je le trouve au festin. Lui, sa femme et ses fils. Nous entrons au logis, mais nous restons au seuil, assis dans l'embrasure. Leurs cœurs sont étonnés. C'est moi qui t'interroge. Ulysse, te voilà revenu. Et comment? Quelle divinité méchante te poursuit? Nous t'avions renvoyé en prenant tous les soins, pour que tout soit rendu ta patrie, ta maison, et tout ce qui t'est cher. Il disait, je réponds, le cœur plein de détresse. Le désastre me vint des méchants équipages, mais aussi et surtout d'un sommeil malheureux. Amis, secourez-moi, je sais votre pouvoir. Je disais, essayant des plus douces paroles, mais ils restaient muets. Leur père me répond, décampe de mon île, ô le rebut des êtres, car je n'ai plus le droit de t'accorder mes soins, ni de te reconduire. Un homme que les dieux fortunés ont en haine, décampe, tu reviens sous le courroux des dieux. Il dit et me renvoie, malgré mes lourds sanglots.